Merci de choisir Radio Isanganiro pour vous informer. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Les députés ne comprennent pas pourquoi les prix des produits pharmaceutiques restent élevés alors que les importateurs de ces derniers bénéficient des exonérations. L'organisation Parole pour le réveil et le changement de mentalité par SEM trouve que l'octroi des bourses d'études aux étudiants devrait se baser sur le critère de la note obtenue pour promouvoir l'intelligence. C'est au moment où, au Sénat, ce lundi, certains avis défendaient que les bourses d'études soient octroyées selon le critère régional. À Kayanza, le médecin directeur provincial affirme qu'aujourd'hui, cette province n'enregistre aucun cas positif de la maladie de la variole de singe. Selon lui, en 2024, 71 personnes avaient été testées positives. À la présentation, vous êtes avec Doré Bingabide. François Kimana assure la mise en onde. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore. Certains députés disent ne pas comprendre les raisons de la hausse des prix des produits pharmaceutiques alors que les importateurs de ces produits bénéficient des exonérations. Ils l'ont soulevé ce jeudi lors de la présentation des rapports de performance et d'exécution budgétaire des trois derniers trimestres de l'exercice 2023-2024. Le ministre des Finances, Nestor Naounouye, dit attendre la fixation des prix de différents produits par le ministère du Commerce pour réguler les prix de ces produits. Le président de l'Assemblée nationale, Daniel Djelaz Ndabilabe, a recommandé au ministère de la Santé de déterminer les prix des médicaments. Les détails avec Clovis Nyonguru. Parmi les questions posées, les députés sont revenus sur la question de la cherté des produits pharmaceutiques. Premier vice-président de l'Assemblée nationale dit de ne pas comprendre les raisons qui sont à la base de la hausse des prix des produits pharmaceutiques. Il explique que les importateurs de ces produits bénéficient des exonérations. Sur ces inquiétudes, le ministre des Finances, Nestor Naounouye, a indiqué qu'il faut attendre la fixation des prix des différents produits par le ministère du Commerce pour réguler les prix des médicaments. Je savais que le président de la République a recommandé que le ministère du Commerce fixe les prix des différents produits. C'est-à-dire, nous attendons que le dit ministère termine de les déterminer et nous allons réguler ces prix de produits pharmaceutiques après les opérations du ministère du Commerce. Djelaz Ndabilabe, président de l'Assemblée nationale, estime que le ministère de la Santé devrait déterminer les prix des médicaments. Djelaz Ndabilabe plaide pour la réduction des missions qui ne génèrent rien parce qu'ils font partie des facteurs qui handicapent l'économie du pays. Merci Clovis Nyonguru. L'organisation Parole pour le réveil et changement de mentalité par SEM soutient l'octroi des bourses d'études aux étudiants sur base du critère de la note obtenue. Le directeur général de cette organisation trouve que l'expertise et l'intelligence doivent être mises en avant pour avoir des ressources humaines compétentes. Faustin Dikoumana ajoute qu'opter pour des critères subjectifs, c'est créer la porte d'entrée à la tricherie. Il le dit au moment où les avis des sénateurs divergeaient sur les critères d'octroi des bourses aux étudiants lors d'une séance des questions orales des sénateurs au ministre de l'Éducation, sur les critères d'octroi des bourses ce lundi. On l'écoute. Par SEM, nous soutenons la suggestion du président du Sénat par rapport à l'octroi des bourses d'études aux étudiants. Parce que d'abord, l'éducation, par SEM, nous l'avons comme un pilier fondamental pour l'aboutissement à la vision 2040-2060. L'expertise, l'intelligence, l'éducation doivent être mises en avant. Parce qu'on ne peut pas mettre en application une vision sans ressources humaines compétentes. Donc l'octroi des bourses devait prendre comme critère objectif, c'est l'excellence. Si on commence à y mettre des critères subjectifs, dire on va démocratiser les bourses, on va faire ceci, on ouvre la porte aux tricheries de tout acabit. Je crois de toutes sortes. Je crois que quelque part, il faut prendre au sérieux ce secteur, essayer de mettre en avant les étudiants les plus intelligents qui ont des talents. Parce qu'un Burundi qui a un talent quelconque, c'est une richesse pour le pays. Et il ne faut pas garder l'idée qu'octroyer les bourses, c'est une façon d'aider, de faire des équilibres. Cherchons des enfants très intelligents. Et puis, même s'il y aurait un autre critère, mais l'objectivité tient sur la note obtenue. L'autre élément, c'est penser à donner la valeur à ces lauréats, ces lauréats qui ont fait beaucoup d'efforts au niveau des études, des médecins. Il faut leur donner de la valeur après les études, notamment le traitement, salaire, et pour les maintenir quand même sur place pour qu'ils puissent aider le pays. Dans ce domaine, il n'y a pas de sacrifice, même d'autres pays essaient quand même de bien traiter leurs citoyens qui ont fait un effort particulier dans tel ou tel autre domaine. Et je crois qu'on devait éviter les tricheries autant que faire se peut dans ce secteur pour l'intérêt général. Rayer sur la liste les véhicules de ceux qui n'utiliseront pas le carburant reçu pour des fins connues sont quelques-unes des punitions qui seront infligées à certains conducteurs. Propos de l'inspecteur général de police lors d'une conférence à l'endroit de ceux qui œuvrent dans le département du transport. Général-major de police Joseph Ninhelete a dit qu'il a des informations selon quoi il y a ceux qui reçoivent du carburant et vont le vendre sur le marché noir. Il demande à la population de dénoncer les chauffeurs qui ne n'honoreront pas leur mission, on l'écoute. Il faut que ceux qui œuvrent dans le domaine du transport veillent à ce que le carburant reçu de la Sopebu soit utilisé dans le domaine. Parce que les informations à notre disposition font état que c'est ce carburant même qui revient au prix élevé au marché noir. Les exemples sont nombreux car le carburant a été saisi dans différents quartiers. Au lieu que ce carburant soit utilisé dans le transport, on le retrouve au marché noir, comme vous le savez ici à Bujumbura. Nous avons pris la décision que tous les véhicules qui assurent le transport à mairie de Bujumbura doivent avoir des autocollants pour nous assurer qu'ils sont au travail leur réservé. Pour ceux qui assurent le transport à l'intérieur du pays, on a décidé une couleur unique pour faciliter le contrôle. Ici, à mairie de Bujumbura, il y aura une personne qui va contrôler quelle voiture arrive à destination et aussi contrôler le nombre de tours qui doit être fait. Ceux qui passeront outre cette décision se verront retirés sur la liste de ceux qui œuvrent dans le domaine du transport. Sur ce, l'association burundaise de transporteurs à Trabou appelle les conducteurs des bus de transport en commun de respecter les itinéraires pour justifier le carburant leur distribué à la pompe. Charles Nilameba, secrétaire et porte-parole de la Trabou, appelle ces transporteurs au strict respect de la loi. Pour montrer la position de l'association des transporteurs du Burundi, et toutefois il a été constaté que certains chauffeurs égarés et ne respectaient pas les conditions données par les distributeurs de carburant, surtout pour ce qui concerne la déviation des itinéraires et même l'embarcation des passagers à mi-chemin, ce qui a fait que, comme recommandation, nous avons décidé de mettre en place un comité de suivi et d'évaluation de cette activité pour que l'activité de transport des personnes à mairie de Bujumbura soit très bien organisée dans le strict respect de la loi. L'appel lancé aux chauffeurs, c'est de bien respecter les conditions données par les gestionnaires de carburant, surtout à ne pas dévier les itinéraires et en embarquant les passagers en ville, au centre-ville, c'est là où il y a beaucoup de files d'attente et faire arriver les passagers à la destination finale. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. En ligne, c'est sur www.isanganiro.org. Vous pouvez également aller jeter un coup d'œil sur nos plateformes sociales. Sur Facebook, c'est Radio Télévision Isanganiro RTI et sur X, c'est RTI Isanganiro. Dans la suite de cette édition, l'organisation Fontaine Isoko, qui milite pour la bonne gouvernance et du genre, estime que l'inclusivité et la communication des activités aux partenaires électoraux devraient être renforcées en ce qui concerne la préparation des activités des législatives et des communes. En vue. La représentante légale de cette organisation part des étapes déjà franchies dans la préparation de ces élections. Bouchoumi Joseline interpelle les leaders des partis politiques de sensibiliser leurs membres sur la cohabitation pacifique, surtout durant la période de campagne électorale. Par rapport à la préparation des élections en cours, je peux dire qu'il y a une compétition parce que la CENI a donné toutes les informations en rapport avec les élections et le calendrier électoral est déjà en place. On a fait l'appel à tous les partis politiques qui veulent présenter leur candidature et cela a été fait. La CENI continue à mobiliser et donner l'information sur le calendrier électoral. Ce que je vais recommander d'abord à la CENI, c'est qu'elle puisse continuer dans le même sens, donner toutes les informations nécessaires comme tous les partis politiques ont accès aux élections libres, de toujours veiller à ce que ces élections soient apaisées, transparentes et libres. Et puis, différents partis politiques, de ne pas s'aimer la haine, de toujours travailler ou mener des campagnes paisibles et aussi sensibiliser leurs partisans pour une cohabitation pacifique avec les autres. Je vous l'avais dit dans les titres, 71 personnes de la province Kayanza ont été testées positives à la variole du singe en l'an 2024. Pascal Nyonzima, médecin directeur provincial à Kayanza, a affirmé que toutes ces personnes ont guéri et sont retournées dans leur famille. Selon lui, la province sanitaire Kayanza enregistre aujourd'hui 0 cas positifs de cette maladie. Toutefois, il demande aux responsables administratifs de toujours continuer les sensibilisations auprès de la population sur l'observation des mesures barrières contre la propagation de cette maladie. Patrick Nsengiyumva. La maladie de la variole du singe s'est beaucoup manifestée au Burundi l'année passée et en province sanitaire de Kayanza, on y a enregistré 71 cas de cette maladie dite monkeypox en anglais. Dans le district sanitaire de Kayanza, on y a compté 63 personnes atteintes par la maladie, 5 personnes dans le district sanitaire de Musema et 3 autres dans le district sanitaire de Gahombo. Docteur Pascal Nyonzima, directeur du bureau provincial de la santé à Kayanza, fait savoir que toutes les personnes qui ont été atteintes de la maladie ont été guéries et rentrées dans leur famille avant la fin de l'an 2024. Le médecin directeur provincial à Kayanza indique que le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida est beaucoup intervenu, surtout en dotant de la province sanitaire de Kayanza un laboratoire mobile. Docteur Pascal Nyonzima fait savoir que même les effectifs du paludisme ont sensiblement baissé l'an 2024 et fait savoir que cette année, il est prévu la campagne de la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée. Le directeur du bureau provincial de la santé à Kayanza appelle la population à continuer à observer les mesures barrières contre la propagation de la variole du singe et à dormir aussi dans des moustiquaires pour se protéger contre la malaria. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. Et c'est par ici que nous mettons point final à cette édition. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Doré Bingabile j'étais à la présentation. François Kimana assurait la mise en onde. Je vous laisse avec Jean Bosco Nduimana. Il a lu la presse pour nous. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. Le diabète, ce danger qui guette nos enfants, alerte Burundi Echo, qui souligne que le diabète chez les enfants et les jeunes est une réalité au Burundi, même si elle est méconnue du grand public. Les statistiques avancées par le Centre de lutte contre le diabète Selicodia montrent que les cas des jeunes diabétiques augmentent de façon exponentielle. Ainsi, écrit ce journal, le nombre de personnes âgées de 0 à 24 ans souffrant de diabète est passé de 30 en 2012 à 268 en avril 2023, rien qu'au Centre de santé Moussaga. Selon Dr Elsie Benita Kaneza, chez les enfants et les jeunes au Burundi, le diabète le plus fréquent est de type 1. Dr Kaneza explique dans les colonnes de Burundi Echo que ce type de diabète est favorisé par une alimentation très riche en graisse, la consommation excessive de produits sucrés, mais aussi par la diminution de l'activité physique. L'un des principaux défis dans la prise en charge du diabète au Burundi et le manque de médicaments. Le docteur Kaneza explique toujours dans les colonnes de cet hebdomadaire socio-économique qu'à part que les médicaments, surtout l'insuline, ne sont pas toujours disponibles. Ils sont chers et inaccessibles pour les patients à moyens limités. À ce sujet, elle demande que les médicaments pour les diabétiques soient facilement accessibles et gratuits. Pour un processus électoral inclusif, plaide l'éditorialiste du journal Iwachu, qui fait remarquer que l'opposition est vent debout contre la Commission électorale nationale indépendante CENI. En effet, explique son confrère, des griefs, des lamentations envers cette institution ayant pour mission l'organisation, le contrôle et la supervision des élections, portent notamment sur les élections des conseils communaux, l'affichage anticipé des listes des candidats, le retrait du délai de grâce accordé pour réaménager les listes, la gestion des mandataires, le fichier électoral qu'elle juge non fiable. Pour ces politiques, poursuit ce journal, s'ils sont exclus à battre campagne au niveau des communes, le reste des élections est hypothéqué. Les sénateurs étant choisis par les conseils communaux, ces partis n'auront pas droit au chapitre. Au finish, le Sénat et l'Assemblée nationale risquent d'être monocolores, constate l'éditorialiste du journal Iwachu, qui rappelle qu'un processus électoral a des principes ou des standards pour lesquels il obéit. Une question taraude son confrère. Pourquoi depuis 2010 il n'y a jamais eu un processus électoral qui ne peut pas être décrié par l'opposition? Par contre, regrette Iwachu, il est curieux de constater que jusqu'à présent, le camp au pouvoir n'a jamais critiqué la Commission électorale nationale indépendante, ni ses décisions. Il appartient aux uns et aux autres de mettre de l'eau dans leur vin pour voir l'intérêt supérieur de la population. L'idéal, c'est d'avoir un processus électoral inclusif, conclut l'éditorialiste du journal Iwachu. Revue de la presse. Il se retrouve en détention alors qu'il se désaltérait à Kirundo, rapporte Net Press. Selon des informations recueillies sur place par son confrère, un homme a été condamné mardi dans l'après-midi, lors d'un procès de flagrance, à 4 ans de prison ferme et à 50 000 francs burundais d'amende pour outrage à chef de l'État et insulte au secrétaire général du CNDD-FDD au pouvoir au Burundi. Les mêmes informations de Net Press poursuivent que cet homme, lors de l'audience, a plaidé coupable, indiquant qu'il était en train de se désaltérer, qu'il ne se rappelle pas exactement de ce qu'il a dit et que dans son entendement, il était en train de blaguer. Il avait été récemment libéré sur grâce présidentielle, rappelle ce quotidien en ligne. On termine cette revue de presse par l'agence burundaise de presse qui constate que les poubelles publiques installées dans certains lieux de grands rassemblements pour la collecte des déchets en mairie de Bujumbura sont usées et certaines nécessitent un remplacement. De plus, poursuit la BP, ces poubelles déjà usées ne sont pas vidées régulièrement, ce qui entraîne des débordements. Ce quotidien rappelle que ces poubelles avaient été installées dans le but d'améliorer l'assainissement en mairie de Bujumbura, mais fait remarquer que si des mesures ne sont pas prises, elles risquent de devenir une source de pollution pour l'environnement. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.